Juges chapitre 18. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et en ce même temps la tribu de Dan cherchait un héritage pour soi afin d'y demeurer, car jusqu'à ce temps-là il ne lui en était point échu entre les tribus d'Israël pour le posséder. C'est pourquoi les enfants de Dan envoyèrent de leur famille cinq hommes, d'une et d'autre qualité, gens vaillants, de Tsora et d'Estaol, pour reconnaître le pays, et le reconnaître exactement, et leur dire, allez reconnaissez exactement le pays. Ils vinrent donc en la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Mica, et y passèrent la nuit. Et quand ils furent auprès de la maison de Mica, ils reconnurent la voix du jeune homme lévite, et s'étant détournés vers cette maison-là, ils lui dirent, qui t'a amené ici, qui fais-tu, et qu'as-tu ici? Et il répondit, Mica a fait pour moi telle et telle chose, il m'a donné des gages et je lui sers de sacrificateur. Ils dirent encore, nous te prions de consulter Dieu, afin que nous sachions si le voyage que nous entreprenons prospérera. Et le sacrificateur leur dit, allez en paix, l'Éternel a devant ses yeux, le voyage que vous entreprenez. Ces cinq hommes donc s'en allèrent, et arrivèrent à Laï, et ils virent que le peuple de cette ville habitait en assurance, et vivait en repos, et se croyait en sûreté, à la façon des Sidoniens, et qu'il n'y avait personne au pays, qui leur fit de la peine en aucune chose, parce qu'ils étaient libres de toute ancienneté, et aussi ils étaient éloignés des Sidoniens, et n'avaient commerce avec personne. Puis étant revenus, à leurs frères à Tsora et à Estaol, leurs frères leur dirent, que rapportez-vous? Et ils répondirent, allons, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et nous l'avons trouvé très bon, et vous êtes sans rien faire, ne soyez point paresseux à partir pour aller posséder le pays. Quand vous y entrerez, vous viendrez vers un peuple qui se tient assuré, et en un pays de grande étendue, car Dieu l'a livré entre vos mains, c'est un lieu où il ne manque rien de tout ce qui est sur la terre. Il partit donc de là, savoir de Tsora et d'Estaol, 600 hommes armés de la famille de Dan. Et montant, ils campèrent à Kirjat-Jéarim, qui est en Juda, c'est pourquoi on a appelé ce lieu la Mahanédan, jusqu'à ce jour, et il est derrière Kirjat-Jéarim. Puis de là ils passèrent à la montagne d'Ephraïm, et arrivèrent à la maison de Mica. Alors les cinq hommes qui étaient allés pour reconnaître le pays de Laï, prenant la parole, dirent à leurs frères, « Savez-vous bien qu'en ces maisons, il y a un épho et des téraphimes, une image de taille et une de fonte? Voyez donc maintenant ce que vous aurez à faire. » Alors ils se détournèrent vers ce lieu-là, et vinrent en la maison où était le jeune homme lévite, savoir en la maison de Mica, et le saluèrent. Or les 600 hommes des enfants de Dan, qui étaient sous les armes, s'arrêtèrent à l'entrée de la porte, mais les cinq hommes qui étaient allés pour reconnaître le pays, montèrent et entrèrent dans la maison, et prirent l'image étaillée, l'épho, les téraphimes, et l'image de fonte. Pendant que le sacrificateur était à l'entrée de la porte, avec les 600 hommes armés. Étant donc entrés dans la maison de Mica, ils prirent l'image taillée, l'épho, les téraphimes, et l'image de fonte. Et le sacrificateur leur dit, que faites-vous? Et ils lui dirent, tais-toi, et mets ta main sur ta bouche, et viens avec nous, et sois-nous pour père et pour sacrificateur. Lequel te vaut-il mieux, d'être sacrificateur de la maison d'un homme seul, ou d'être sacrificateur d'une tribu et d'une famille en Israël? Et le sacrificateur en eut de la joie en son cœur, et ayant pris l'épho, les téraphimes, et l'image taillée, il se mit au milieu du peuple. Après quoi ils retournèrent et reprirent leur chemin, et mirent devant eux les petits enfants, le bétail, et le bagage. Et quand ils furent loin de la maison de Mica, ceux qui demeuraient dans les maisons, voisines de celle de Mica furent assemblés à grands cris, et ils atteignirent les enfants de Dan. Et ils crièrent après eux, mais au tournant visage dirent à Mica, qu'as-tu, que tu te sois ainsi écrié pour amasser des gens? Il répondit, vous avez enlevé mes dieux que j'avais faits, vous avez pris le sacrificateur, et vous en êtes allé. Et que me reste-t-il? Comment donc me dites-vous, qu'as-tu? Et les enfants de Dan lui dirent, ne fais point entendre ta voix après nous, de peur que ces gens en colère ne se jettent sur vous, et que vous n'y laissiez la vie, toi, et tous ceux de ta famille. Les enfants donc de Dan continuèrent leur chemin, mais Mica ayant vu qu'ils étaient plus forts que lui, tourna visage, et s'en revint en sa maison. Ainsi ayant pris les choses que Mica avait faites, et le sacrificateur qu'il avait, ils arrivèrent à Laï, vers un peuple qui était en repos, et qui se tenait assuré, et ils les firent passer au fil de l'épée, et ayant mis le feu dans la ville, ils la brûlèrent. Et il n'y eut personne qui la délivra, car elle était loin de Sidon, et n'avait commerce avec personne, et elle était située en la vallée qui appartenait au pays de Beth-Réob, puis ils bâtirent là une ville, et y habitèrent. Et ils nommèrent cette ville-là, Dan, selon le nom de Dan leur père qui était né à Israël, au lieu que la ville avait nom auparavant Laï. Et les enfants de Dan se dressèrent cette image taillée, et Jonathan fils de Guerson, fils de Manassé, lui et ses enfants furent sacrificateurs pour la tribu de Dan jusqu'au jour qu'elle partit du pays. Ils y dressèrent donc l'image taillée que Mica avait faite, tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo.